بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on est à la partie فريضة الصلاة على جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام. Donc on a expliqué l'exemple comment Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné la salat à chaque prophète. Et on est arrivé à l'exemple de Moussa عليه السلام. Il dit: وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَّبَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى نَجِيًّا وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمًا فكان أول ما افترض عليه بعد افتراضه عليه عبادته إقام الصلاة ولم ينص له على فريضة غيرها. Donc il dit Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rapproché de lui, il l'a appelé, il lui a parlé clairement, et la première chose qui lui a été ordonnée parmi les obligations à part ou bien après l'adoration de façon générale, c'est l'établissement de la salat, et il n'y a pas eu d'autres choses qui ont été ordonnées spécifiquement ou textuellement autre que la salat au début. فقال تبارك وتعالى مخاطبا موسى بكلماته ليس بينه وبينه ترجمان فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il s'est adressé à Moussa alayhi salam avec ses paroles, et il n'y avait pas entre Moussa et Allah subhanahu wa ta'ala de traducteur. Il lui a dit: écoute ce qui est révélé, je suis certes Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adore-moi et établis la salat pour mon rappel. فدل ذلك على عظم قدر الصلاة وفضلها على سائر الأعمال. Donc ça indique la grandeur et l'importance et le mérite de la salat au-dessus de toute autre action. إذ لم يبدأ مناجيه وكليمه بفريضة أول منها. Parce qu'il n'a pas ordonné à celui à qui il s'est adressé et à qui il a parlé par autre obligation que cette obligation-là. ثم كان من أول ما أمر به موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل بعد أن آمنوا بالصلاة به بعد أن آمنوا به الصلاة فقال عز وجل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. Donc c'est la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné également aux fils d'Israël après qu'ils aient cru en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la salat. Et il dit dans sourate Yunus le verset 87: et nous avons révélé à Moussa et à son frère Haroun de prendre des maisons pour eux ainsi qu'à leur peuple qui était en Égypte, de prendre des maisons pour l'établissement de la salat et de faire de leur maison une qibla pour et d'établir la salat. Ensuite, il donne l'exemple de Daoud alayhi salam, et il dit: wa Daoud alayhi salam nabiyullah wa safiyuhu lama asaba al-khati'a wa arada at-tawba lam yajid litawbatihi مفزعا إلا إلى الصلاة. قال الله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Donc Daoud alayhi salam, c'était un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, lorsqu'il a fait une erreur, il n'a pas trouvé autre chose pour se repentir excepté de se précipiter vers la salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans sourate Sad, justement le verset 24, lorsqu'il dit: il a demandé pardon à son Seigneur et il est tombé, incliné, et il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Sulayman ibn Daoud alayhi as-salatu was-salam arada al-khayl bil-'ashiyyi fa ashghalahu an-nazar ilayha 'an salat al-'asr hatta ta'akhkhara waqtuha fa asifa wa nadima fa'aqaba nafsahu بأن حرمها الخير التي أشغلته حتى جاوز وقت صلاته فقال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال ابن كثير رحمه الله ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا، كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب. Donc il donne aussi l'exemple de Souleyman ibn Daoud alayhi salat wa salam, lorsque yani il a regardé les chevaux, puis ça l'a distrait jusqu'à ce qu'il manque salat al-asr. Donc il a retardé son temps. Alors il a été triste et il a eu des remords, et il s'est puni lui-même en s'interdisant par la suite les chevaux à cause de cela, puisque cela l'avait distrait de la salat jusqu'à ce que la salat yani passe, ou bien le temps de la salat passe. Et il mentionne cela dans sourate Sad, il dit que nous avons donné à Daoud Souleyman, un bon serviteur, il était certes repentant. Lorsqu'on lui a présenté les chevaux, et il a dit, j'ai préféré yani les chevaux au rappel de mon Seigneur jusqu'à ce que le soleil se couche. Et yani, il sait par la suite, il mentionne la parole de l'imam Ibn Kathir qui dit que plusieurs parmi les salafs et les savants de tafsir ont mentionné que il a été distrait jusqu'à ce que le temps de salat al-asr passe. Et il dit que ce qui est certain, c'est qu'il ne l'a pas abandonné volontairement, mais il a oublié jusqu'à ce qu'il soit distrait. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois, yani, il était dans le jour de Al-Khandaq, une bataille qui avait à Médine, et il était encerclé par les kuffars, et donc il a été occupé jusqu'à ce que salat al-asr yani, soit passé, et il n'a pas pu faire salat al-asr jusqu'à après le coucher du soleil. Ensuite il dit wa fi qissa, قال في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Donc l'exemple que Zakaria عليه السلام il était yani debout en train de prier dans le mihrab au moment où les anges l'ont interpellé. Et ensuite il dit وحكى عن عيسى عليه الصلاة والسلام حين تكلم في المهد صبيا أنه قال قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Donc l'exemple de Isa alayhi salam, lorsqu'il a parlé, lorsqu'il était dans le berceau, un bébé, et il mentionne dans sourate Maryam le verset 30 et 31, il dit je suis le serviteur d'Allah, Allah m'a donné le livre et il a fait de moi un prophète, et il m'a rendu béni où que je sois. Il m'a enjoint de faire la salat et la zakat tant que je suis vivant. Et il a dit wa qala Allah azza wa jalla fi sha'ni anbiya ibn Israil wa laqad akhadha Allah mithaq bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba fa qala Allah inni ma'akum la in aqamtum as-salata wa ataytum az-zakata wa amantum bi rusuli. Donc à propos des prophètes de bani Israil, il a dit ça aussi. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans sourate Al-Ma'idah le verset 12, nous avons pris un engagement avec les fils d'Israël et nous avons choisi d'entre eux 12 chefs. Et Allah leur a dit, je suis avec vous tant que vous établissez la salat et que vous donnez la zakat et que vous croyez en mes messagers. Et ensuite il dit, et il a mentionné, il dit, ذَكَرَا الْأَنْبِيَا نَبِيًا نَبِيًا فَوَصَفَهُمْ ثُمَّ قَالْ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمْ وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فأخبر عن جميع الأنبياء أن مفزعهم كان إلى الصلاة، يعني يعبدون الله ويتقربون إليه بها. ثم قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني واديا في جهنم. Donc à propos des prophètes, Allah a mentionné chaque prophète un après l'autre en les décrivant, puis après il dit dans le verset 85 dans sourate Maryam: ceux-là sont ceux à qui Allah a ceux sur qui Allah a mis sa grâce parmi les prophètes, des descendants de yani la descendance de Adam, et ceux qu'on a portés sur le bateau avec Nuh, et la descendance de Ibrahim et de Israël, et parmi ceux que nous avons guidés et rapprochés. Et lorsqu'on leur récitait nos versets, hein, les versets du tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, ils tombaient tous prosternés en pleurant. Et donc il a mentionné à propos de tous les prophètes que lorsqu'ils avaient quelque chose ou un problème, ils tombaient dans la prière, hein, ils se tournaient directement vers la prière, ils adoraient Allah en se rapprochant de lui. Puis il mentionne, il dit, mais il y a ceux qui sont venus par la suite, hein, ils ont négligé la salat, ils ont suivi les déserts et les passions, et donc ils vont trouver Rayyan, c'est-à-dire une vallée qui est dans l'enfer. Une vallée qui est dans l'enfer. Et ben le dernier, je vais juste lire le dernier chapitre puisqu'il reste juste ça. وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء قبله صلاة الله وسلامه عليه وعليهم لم يزالوا يصلون الخمس حتى صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، صلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين أفطر الصائم، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الغداة بعد ما أسفر. ثم التفت إلي فقال: يا محمد، الوقت فيما بين هذين الوقتين، وهذا وقت الأنبياء قبلك. رواه المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، يعني برقم 29، ومنه أيضا جرى تلخيص الفوائد المتقدم ذكرها، يعني ووفقنا الله أجمعين لتعظيم الصلاة والإحسان في إقامتها إنه سميع الدعاء. Donc il mentionne que, يعني comme les prophètes avant, eh bien, يعني le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les 5 prières avec Jibril alayhi salam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été dirigé dans la prière par Jibril. Il dit: Jibril est venu vers la maison, yani al-Ka'ba, deux fois, et il a prié avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les prières de Dhuhr, de Al-Asr, de Maghrib et de Isha et de Fajr. Il lui a montré les deux temps, le début du temps, puis yani le temps vers lequel entre lesquels il peut faire ces prières là, puis à la fin de ça, il lui a dit: voici les deux temps, c'est-à-dire les intervalles entre lesquels tu peux faire chacune de ces prières, et c'était le temps, il y en a des prophètes avant toi. Et ça, il a rapporté de l'imam al-Marouzi, ou bien al-Marwazi, dans son livre, yani Ta'zim Qadr al-Salat. L'imam al-Marouzi, c'est un des imams parmi les imams des salafs, et il était le cheikh de l'imam al-Bukhari, il a écrit un livre qui s'appelle Ta'zim Qadr al-Salat. C'est un livre qui existe encore aujourd'hui. Il est publié, ce livre. Et c'est un très très bon livre. Je pense que l'imam al-Marouzi, il est mort en l'an 219 après la Hijra. Donc c'est un livre très très bénéfique. Et c'est de là qu'il a résumé ses points jusqu'à maintenant. Donc on va s'arrêter ici. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Puis on lira une autre partie demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.